shit is hot. Comme un uppercut dans ton plexus. Tu t'aigules l'infarctus. Je te refroidis comme fin du. Ne viens pas jouer les shows avec le négro clair de peau. Si tu ne veux pas finir dans un standard comme un vieux mégot. Ouais, chaque mot, chaque phrase que je balance te laisse sur le cul. Comme de la vinaigrette, mec, mon style assisole la sigmu. Le plus balèze est toujours à l'aise, donc pas de malaise. Je renvoie les faux MC au chaud dans leur charentaise. Ouais, sache que je savais rapper avant de savoir marcher. Sache que je contrôle comme à l'heure de la RATP. Je déraille, défouraille comme Ayato dans son Kukai. Je débarque en freestyle, la bataille. Toi-même, tu sais qu'il n'y a que le mic. Ma voix récute des oreilles comme un coton-tige. Pour que tu piges que je suis le génie, le surdoué, le prodige. K-O-A-L-I-T-I-O. Je déchaîne, pas de veine, je t'enchaîne comme Yoti. Eh toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton coalition contrôle la paix. Eh toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton poste à flex contrôle la paix. Eh toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton coalition contrôle la paix. Eh toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Staflex contrôle l'affaire. Qui dans la place de test le fond qui peut staflex flex comme du latex flex comme un souci flex. Ayo voilà le flex baba. Oussa sur le mic frappe avec la technique freestyle geek avec ses représente le flex watt trop sans pipo watt. Mange les kilowatts comme des pastos dans un croate. Ayo celui dealer qui est le nettoyeur, le balayeur, le lit par ailleurs, le sanitoyeur SFA. Comme Paypa en français FA. Balèze comme Tefa, vénère comme Tista Chefa. Enchaîne les FA comme DJ Goldfinger. On fait la peur comme le chocolat et la surprise dans ton Kinder. Pour me voir chéder en abo, appelle-moi trois fois. Trois fois Beetlejuice pour que la frousse brousse sur ta frimousse. J'étouffe avec ma touffe, je bouffe mon style waterproof. Ayo, MC, ne viens pas me tester. Mon style dans toutes les cités du 93 en playstyle. Ton cerveau est trop chaud, plein en ébullition. Faut qu'il flex baba avec coalition. Représente Épinay sur scène pour la cité d'Angemont. Quoi? Eh hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux faire? Ton poste à flex contrôle l'affaire. Eh hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton coalition contrôle l'affaire. Eh hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton poste à flex contrôle l'affaire. Eh hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton coalition contrôle l'affaire. Ailleurs sans effort, trop fort. Ouais, je débarque pour mon crew. Plus droit comme l'éclair, laisse derrière les frères. Joue trop. Quoi? Tu prends pour un boss au micro. Écoute plutôt mon flow, explose comme une bombe dans le métro. Eh hey, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Quand les experts du mic opèrent, tu perds ton temps bêtement si t'attends que je me vautre. Ouais. Tu croyais fort, tu vois que tu flaires. J'ai placé la barre trop haute. Comme un ascenseur, je t'emmène au niveau supérieur. Mon style fait kiffer ta femme, ta soeur. Comme un vibromasseur. Alors qui frime mon corps? Ouais, qui n'est pas d'accord? Ouais. Je croise les faux MC façon gracier dans un corps à corps. Et je mets les pendules à l'heure des beaux parleurs qui n'ont jamais cru en la valeur de mon coup. Même si t'en as rien à trop fou, je débarque en direct pour l'année 1997. Mon staff est en tête, les faux MC passent en retraite. Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton coalition contrôle l'affaire. Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton coalition contrôle l'affaire. Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux dire? Flavor. Ton coalition contrôle l'affaire. Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux faire?